Les paroles sont de Zakaria Ahmed. La chanson est plutôt de Zakaria Ahmed. Et vous avez reconnu la voix de Chirimem. Et c'est bien sûr exprès que je parle dessus. Yeah.